La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je dois vous dire en ce samedi 31 juillet 2010, vous avouer que je ne suis pas, et je ne serai jamais l'animateur, le producteur et l'animateur en ondes de ce canular. Attends, hey, qu'est-ce que tu veux dire par là? Attends, ben c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est un premier jet. Madame, mesdemoiselles, messieurs, je dois, en ce samedi 31 juillet, vous avouer que je ne suis pas et je n'ai jamais été l'animateur, le producteur et le réalisateur de cette émission Errance Rinaldienne. C'est un canular! Mon psychiatre, le docteur Mayou, contrôlait toute l'affaire. Je m'excuse auprès de mes fans et de mes femmes, auditrices et auditeurs. Et toutes les gens qui travaillent autour de ces KRL. C'est absolument rien. C'est un gros bateau que je vous ai monté. Ça n'existe pas, cette émission. Ben voyons donc, toi, on écoute quoi, là? Rien, vous écoutez rien. Là, les gens, vous, à 21h05, là, vous voulez dire que les gens sont devant rien. Ils sont devant rien. Ben, devant leur radio, qu'est-ce qui sort actuellement de leur radio? Rien. Il n'y a rien. Là, c'est rien. C'est du rien. Alors, tu veux dire que les gens entendent rien? Ils entendent rien. Il se passe rien. C'est rien. Errance Rinaldienne, c'est rien. C'est un canular. Ouais. Ça va bien? Ben, ça va bien dans la mesure où que le rien existe, là. Ben oui. Vous dites que c'est là, là. Ben, c'est maintenant. C'est pas autre chose. Qu'est-ce que t'entends, toi, là? Ben, j'attends un gars qui crie. Ben, OK. Et là, qu'est-ce que t'entends? Un gars qui ne crie pas. Bon, ben voilà, qu'est-ce que c'est entre tout ça? Ben c'est rien. Ben voilà, t'écoutes rien. Un cœur au beurre noir se cicatrise loin de toi ce soir. Où on se... Non, c'est quoi? C'est qu'on se le dise. Oui, qu'on se... Merci. Merci, vous me lisez, je te lis. Un cœur au beurre noir se cicatrise loin de toi ce soir. Qu'on se le dise sans les bises. Près du chaos, il n'y a plus d'écho. L'amour se retrouve au point mort. Or, déconstruisons. Comment? Déconstruisons? Qu'est-ce que tu dis là? Ben, je dis qu'un cœur au beurre noir se cicatrise loin de toi ce soir. Qu'on se le dise sans les bises. Près du chaos, il n'y a plus d'écho. L'amour se retrouve au point mort. Or, déconstruisons le décor face à nos désaccords. Ça, c'est de la poésie? C'est de la poésie projetée. Projetée? Projetée sur les murs, projetée sur les mots, projetée sur les gens, projetée sur la société, projetée sur les ondes. Oh. Brume nocturne, fièvre passagère, que tourne la ronde dès que la sphère quitte Lucifer, lui si fier d'avouer, été élu, inventé, mis sur pied par l'humanoïde hybride, moitié homme, moitié fou! Errance Rinaldienne demeure une émission atypique qui se distingue. Jamais vous trouverez un dynamisme aussi soutenu provenant de votre animateur préféré, Reynald Gagné, qui s'anime et s'enflamme avec fougue depuis bientôt 5 ans. Cette émission de variété vous présente une véritable... On vérifierait pas. S'il vous plaît, vérifiez pas. Je passerai pas aux douanes. Je vais jamais passer aux douanes. Ben voyons donc, vous avez fait plusieurs voyages. Ouais, mais parce que comment t'appelles ça, pas un humoriste, mais un imitateur qui s'est fait passer pour moi. Oh, on vous imite. Ah, ben ça continuellement. Hein. J'écoute dans la radio communautaire, puis on essaie de faire des Errance Rinaldienne. Et puis qu'est-ce qu'on arrive? On n'arrive à rien. On n'arrive à rien parce qu'il y en a juste un. Vous pouvez devenir membre de cette transmission auditive grâce à Facebook. Il vous suffit d'entrer Errance Rinaldienne sur le moteur de recherche de ce réseau social et vous serez ainsi instantanément membre. Instantanément, non, tu l'as pas de même. OK, instantanément, adhérent. Oh, c'est mieux. C'est beaucoup plus, oui. Instantanément adhérent de la grande aventure qui nous arrive chaque semaine. D'un même élan, écrivez-nous pour nous laisser vos commentaires à Rénal Québec, RAYNALDQUEBEC, à commercial@hotmail.com. Alors, à vos claviers, 1, 2, 3. Non, mais c'est pas ça que tu dois dire. Tu dois dire 1, 2, 3 à vos claviers. OK. Qui télécharge mes émissions, la Gestapause, c'est-à-dire la police secrète dans tous ses états? Voilà un numéro d'improvisation qui nous arrive jusqu'à votre bouche, mon cher Rénal. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Oh! Avons-nous beaucoup de temps? Là, je ne sais pas, attendez. On a ici, on va regarder ça en direct. Il reste 10 après ça. Les gens de théâtre qui nous évaluent actuellement, ils doivent se dire « c'est incroyable, on ne la mettra pas sur une scène, ça va durer 2h30, 3h, il y a le gars qui fait l'entretien ménager, qui va rentrer avec sa mop, puis il n'aura même pas fini, 18, 19, 20, oh non, il n'y a pas grand temps. Oh. Entre pas avec ta mop, mon Gérard, c'est pas le temps, là, c'est pas le temps, reste dehors, puis embrasse ta mop, ça va ça changera pas de chez toi, hein? » Elle a les cheveux aussi, aussi volus, aussi attrayantes. Elle doit avoir la même odeur au niveau sans y la mop, voilà. Hey, ça sent bon, hein? Bon, OK, garde-la. Alors, première phrase du début d'une nouvelle de mon ami Charles Bukowski. Je marchais sous le soleil et je cherchais quoi faire. Ben oui! Il n'y a pas juste la pluie qui tombe sur nous, hein? La chanson qui dit « Toute la pluie tombe sur moi. » Là, c'est « Tout le soleil tombe sur moi. » Et moi, je fais comme si le cancer ne m'atteignait pas. Je brûle sur toi, car je sais que l'été ne dure qu'un moment. Maman, je vais mal. Aïe, aïe, donc, c'est au troisième degré. Aïe, aïe, aïe, je peux plus me coucher, je peux plus. Aïe, aïe, Janine! Tu remplaces ma mère, elle. Janine! On cherche toujours notre mère dans la société, hein? Surtout les gars. Janine! Viens ici! Aïe, aïe, donc, troisième degré, ça fait mal! Mais là, penses-tu que j'allais t'aider? Ben, aide-moi! Parce qu'on t'a toujours dit que aide-toi puis le ciel t'aidera, mais aide-moi puis les yeux puis les yeux aussi, tous les, on te regarde de partout, tu savais-tu? Janine, on te regarde de partout. Eh ben ça, ça fait longtemps que tu me dis ça, mais moi je pensais que c'était ta maladie. Ben non, c'est pas une maladie, c'est une réalité. Non, ben tu m'avais, non, c'est pas ça qu'au début tu disais, c'est une rénalité. Ben ouais, c'est une rénalité. Les yeux, tout le monde te regarde. Penses-tu quand tu dors, là, en haut, ça te regarde pas? Non, je pense pas qu'on me regarde. Comment ça? Les tirets sont volés. Ben, les tirets sont volés. Qui a volé les tirets encore si c'est pas Lucifer? Saint-Simonac! Lucifer, amène tout ça ici, on va reprendre ça! Mais ça, là, c'est un galopin, ça, là. Hein? Il faut l'avoir à l'œil. Faut pas l'abandonner parce qu'il va nous faire des petites affinités non pas positives, mais... Très mal. Très, très mal. Ah, ça fait mal. Mais c'est parce que moi, là, quand je suis allé devant le soleil, je suis endormi. Hey, c'est chaud, ça, c'est invitant, c'est éclairant. Là, ben, faut dire aussi que j'avais ramené quelques affinités pour ne pas mourir du gorgon. Le gorgon, là, tu sais, ce qui nous fait avaler, c'est la gorge. Ben oui, mais la gorge, le gorgon, la gorge. Toi, t'as pas de connaissance poétique. C'est le gorgon, le gorgon, le gorgon vient pour nous ce soir. Le gorgon vient nous envelopper dans le miroir. Mais je suis un gorgon. Qu'est-ce qu'il y a dans le miroir? Ben, il est enveloppant. Ouais. Malheureusement, il est effrayant parce qu'il réclame ton visage. On te voit la face! Oui, mais on voit le visage. Ben, c'est le mien. Ben oui, ben c'est ça le plus épouvantable. Au moins, ce serait Angelina Jolie. Oui, mais là, Angelina Jolie, là, elle en a déplié des choux pour être jolie. Ah, ben, voyons, il y a la langue sale. C'est un envieux! C'est un Québécois moyen! a envie le monde, lui. Mais investis-toi de l'argent pour un beau. Non, mais moi j'ai compris Saint-Exupéry. Bon, il va dire que les yeux du cœur... Les yeux du cœur sont insensibles pour le regard. Ben, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout que Saint-Exupéry a voulu te laisser comme message dans Le Petit Prince. C'est pas du tout la révélation que tu dois avoir, mais est-ce que tu te souviens de tout ça? C'est épouvantable. Le pauvre homme qui est mort en avion pour toi, puis tu réclames à peu près n'importe quoi. Ben non, mais c'est l'essentiel est invisible pour les yeux. Oui. On aime bien que par les yeux du cœur. Ben c'est ça. Ben, je connais ça, c'est une numérie. Ben, pleure-moi pas ça en direct, toi, là. Parce que là, moi, quand j'ai cuit au soleil, quand ma femme est venue me rechercher avec la spatule, parce que elle a essayé de me décoller, mais je pouvais pas m'en aller de même. J'avais la peau comme dans la... Tu sais, comme un bon steak, là. Un steak que j'avais demandé de 3 pouces, là. J'ai dit saignant. Puis là, ils ont essayé de l'enlever, mais ils avaient pas mis de beurre. Donc, c'est collé dans le poêle. Fait que... Ma femme, excuse-moi, mais c'était au mois d'octobre, à Saint-Joseph d'Alma, malgré ma vie est sobre, devrait se finir là. Adieu et paix ma mère, adieu tous mes parents, voilà, c'est bon, voilà que je vous quitte. C'est hein, le ré mineur. Mais ça, moi, ça, c'est beaucoup plus majeur que mineur. Mais c'est ça. Alors, avec la spatule, elle a essayé de me décoller. Hey, j'avais plus de dos, moi, là. J'avais même plus de ré. Mais rénal, plus de ré. Mais non, rénal, plus de ré. Ah, ben, c'est plus rénal quand il n'y a plus de ré. Mais non, do, ré, dé, dé, do, et do, et la, ben, do, les rayons de soleil d'or. Si c'est la moitié d'un tout. Fa, c'est facile à chanter. Sol, la talon, nous marchons. Papa Noël. passion. Et voici pour terminer un seul de poisson. L'endormi à rien, c'est normal, forcément un poisson. Causons la main à Romanos. De toute façon, ma ligne d'horizon est à l'infini, ni, ni. J'en ai assez de vos conneries, de vos pédigrés, de votre système logisto-systo-psychomatique. Caca, monsieur, la porte est là. La porte est là, la porte est là, les portes là. Et moi, j'aboie. Je suis un chien, nous sommes les chiens, vous êtes des chiens, ils sont des chiens. Moi j'ai du fer, le Vlatipa qui mord les proprios. Bafou le chien, Eddie and the Hot Dogs, tu connais mec. Hello Dolly, comment ça va? Encore un coup comme ça, il va danser la bamba. Il y a des très belles villes dans le monde, mais Paris est la plus belle ville du monde, quand même, toujours. Et pourquoi, selon vous? Pourquoi c'est pour encore, cette... aujourd'hui, encore aujourd'hui, à l'époque comme aujourd'hui. Pour sa diversité. Okay. Bah, de toute façon, elle n'a pas beaucoup changé. Elle change, c'est la société qui change. Mais la ville n'a pas changé. Très peu. On nous a démoli le cirque Medrano. C'est que je pleurais quand on nous a démoli le cirque Medrano. Il y a des incohérences de temps en temps. Mais c'est une ville qui ne bouge pas, en fait, sur le plan ville. C'est la société qui devient plus difficile, comme dans toutes les villes. Mais quand même, Paris est une des plus belles villes du monde. Ok. Si vous étiez une langue... Une langue? Oui, une langue française. Une langue. Pas espagnole. Non, bon, non, pas cette langue-là, pas de, mais la langue, une langue parlée. Je crois que ce serait l'italien peut-être. Pourquoi? J'aime bien la. Je parle mal italien, mais j'aime beaucoup la sonorité. Le français, je le connais, donc c'est ma langue. Donc on va parler d'une autre langue là. Ça serait. Je ne connais qu'un peu que l'anglais et très mal, mais je me débrouille quand même. Et l'italien. J'aime beaucoup. J'ai vécu quand j'étais à l'époque de la Grande Gêne. On a vécu pendant presque 2 ans, 1 an et demi en Italie. Et alors c'est une langue difficile parce que il y a plein de lieux différents, de dialectes différents, donc on n'arrive jamais à avoir un dialecte total. C'est comme au Québec. Voilà. Comme au Québec. Mais c'est une langue très chantante, très romantique. Hein. Romantique. Ce serait plutôt l'italien, oui. L'italien. Plutôt l'italien. Pour attirer les femmes, bref. C'est voilà. Ah, ecco, voilà. Ecco sì. Quand vient le mardi? Mais ses bijoux, ses chinchillas. Et puis à minuit, la grande sera autour du cou, c'est un boa. Y'en a qui marmonne que la grande sera. Ce serait un homme, on dit ça. Y'en a qui marmonne que la grande sera. Ce serait un homme, on dit ça. Dans sa Rolls blanche. Elle s'en va place blanche dans les nightclubs et dans les pubs. Aussitôt qu'elle entre, elle devient le centre des conversations entre garçons. Comme elle est bizarre, quelle allure elle a. Et ce grand fou là, oh, mais c'est un beau. Plus.